بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 91 90 حديث دون باب صفات الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص ابن ربيع ابن عبد الشمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. Donc, selon Abu Qatada al-Ansari, radiallahu anhu, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait la salat tout en portant Umama, qui était la fille de Zaynab, la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc sa petite fille, dont le père c'est Abu al-As ibn Rabi' ibn Shams ou Abd al-Shams. Et lorsqu'il se prosternait, il la posait par terre. Et lorsqu'il se relevait, il la portait. Taïb. Donc, Yaqul Fadilat al-Shaykh ibn al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Al-Rawi, c'est Abu Qatada al-Haris ibn Rabi'i al-Ansari al-Kharzaji. Donc, le rapporteur, c'est Abu Qatada al-Haris, dont on a déjà parlé auparavant, qui était celui qui est envoyé avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque ce dernier venait à somnoler sur sa monture, c'est Abu Qatada qui le maintenait debout pour pas qu'il tombe. نعم. يقول موضوع الحديث بيان حكم حمل الصبي ووضعه في الصلاة. Donc maintenant le sujet du hadith c'est le jugement quant au fait de porter un enfant lors de la salat et comment se comporter en cela. يقول في الشرح الإجمالي explication globale du hadith. يخبر أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس إماما وهو حامل ابنة بنته زينب أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع على عاتقه محبة وحنانا. Donc Abu Qatada informe que le prophète صلى الله عليه وسلم était imam, c'est-à-dire faisait la salat en groupe. Il était lui-même, il présidait les gens dans la salat, tout en portant sa petite fille, qui était Umama, la fille de Zaynab, dont le père était Abu al-As ibn Rabi'a. Et cela, قال محبة, c'est-à-dire par amour et par compassion envers elle. وقيل إن كان أو إن ذلك كان حين وفاة أمها. Et il a interprété que cela ait lieu au moment où sa mère est décédée. رضي الله عنها. Donc c'était, à ce moment-là, elle était sans mère. Mais en arabe, on ne l'appelle pas orpheline. On ne dit pas c'est une yatama ou une yatima. On ne dit pas yatima. Yatim, c'est celui qui a perdu son père avant la puberté. Celui qui a perdu sa mère, c'est un autre mot, je ne me rappelle pas sur le moment. Donc le yatim, dans la législation, c'est celui qui a perdu son père. Donc là, son père était vivant. Yaqul wa kana iza qama hamilaha wa iza raka'a aw sajada wada'aha. Et lorsque il se levait, il la portait. Et lorsqu'il s'inclinait ou qu'il se prosternait, il la posait. وضعها على الأرض مما يدل على تيسير شريعته وتمام حسن خلقه ورأفته. Ce qui montre justement la facilité de cette législation et son bon comportement et sa compassion. Du fait qu'il portait l'enfant alors qu'il faisait la salat. Donc cela est permis. Voire même, dans des hadiths, c'est venu que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam entendait un enfant qui pleurait dans la salat, il faisait plus vite afin que la mère puisse retrouver son enfant. Car cela amène à ce qu'elle perde son khushu, à son salat, alors entend son enfant pleurer, et cela l'angoisse. Et elle perd sa concentration dans la salat. Donc de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait plus vite, pour finir plus vite. Rahmatan il-um wal-sabi. Par miséricorde envers la mère et envers l'enfant. Donc de même que l'enfant, s'il pleure et qu'il est à portée des parents, qui peuvent le porter pendant la salat, pour l'apaiser, pour le calmer. Wa kaza. Yaqul fawaid al-hadith, enseignement du hadith. Jawaz haml al-sabi wa wad'ihi fi salat ma lam yatahaqqaq najasatuh. Qu'il est permis de porter justement le bébé et de le poser dans la salat tant que on est sûr qu'il n'a pas de najasa sur lui. Et ça, cet avis-là, il est discutable du fait qu'on ne peut pas savoir cela. Notre Cheikh Yahya, lui, voit par exemple que ce hadith est une preuve qu'il est permis de porter un enfant, même si il a sur lui une najasa, car l'enfant, quand tu le portes, il peut uriner ou autre, faire ses besoins sans que tu t'en rendes compte. Ou il se peut qu'au moment où tu l'aies pris, il ait déjà fait ses besoins sans que tu le saches. Donc ce n'est pas réalisable cela. On ne peut pas le savoir. À part bien sûr les grands besoins, il y a une odeur. Mais celle-là, s'il urine, il n'y a pas de trace vraiment. Ça ne se sent pas, ça ne s'entend pas au réel. Donc on ne peut pas savoir. Ce qui prouve que, en réalité, la chose elle est plus large que cela, et que même si l'enfant il est nagé à ça, et que tu fais la salade avec lui, à la meilleure sur l'attaque. Voilà où tu as l'arbre. Ce maqal, ثانيا أن العمل المشابه لذلك لا يبطل الصلاة. ثالثا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومراتفته للصبيان. Ce qui prouve le bon comportement du Nabi صلى الله عليه وسلم et l'affection qu'il avait pour les enfants. رابعا يسر الشريعة الإسلامية وسماحتها. Ce qui montre la facilité de l'agitation islamique et sa tolérance. On va dire plutôt samahatuha. Non, marfou. Martouf ala yusr. Wa'akada. Donc là, on a appris encore un nouveau jugement qu'il est permis de porter l'enfant durant la salat. Même si l'enfant, masalène, ce qu'il faut, c'est lorsqu'on fait le recours, l'inclinaison, on le pose. Et lorsqu'on se prosterne, on le pose. Lorsqu'on est debout, on le prend. Et même s'il serait, on venait à faire la salat sans que l'enfant soit sur nous, qu'il se mette à pleurer, on pourrait même avoir le droit de nous déplacer pour le prendre et le porter avec nous sur la salat, lors de la salat. هذا الذي أخذنا اليوم من الحديث والحمد لله رب العالمين.